Entrevue avec Marielle. Alors, ici, David Lévesque au micro, qui est au Québec, et je suis présentement en compagnie avec une femme qui est située en France et qui se prénomme Marielle. Alors, bonjour, ça va bien? Bonjour David, ça va très bien. Excellent. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec toi de ton parcours personnel qui t'a amené, entre autres, à t'intéresser à la conscience supramentale. Ok. Eh bien, en fait, ça fait depuis plusieurs années que je chemine sur la connaissance de moi-même. Et j'aime bien me définir un peu comme une exploratrice, exploratrice à la fois de la conscience, de la vie, des programmations, de voilà. En fait, toute jeune, je me posais déjà pas mal de questions. J'étais très intuitive et je percevais que la vie n'était pas forcément la réalité que l'on voit. J'avais aussi dans mon entourage familial une grand-mère qui était magnétiseuse. En fait, j'étais déjà, on va dire, un petit peu confrontée à une réalité de vie qui n'est pas forcément la plus conventionnelle au niveau de ce qu'on est amené à vivre tous les jours. Et j'avais aussi des grands-parents qui étaient très croyants dans la religion catholique. Surtout les deux grand-mères qui étaient très pratiquantes et on va dire même très très pieuses, hein. C'était l'église tous les dimanches, c'était vraiment dans la tradition religieuse chrétienne. Voilà. Ah ben j'ai eu des grands-parents comme toi. Comment? J'ai eu des grands-parents comme toi parce Oui, que ce soit mais du côté. je me suis beaucoup reconnue dans l'interview que tu avais donnée avec Philippe. Parce qu'il y a vraiment des choses que je partageais aussi dans ma prime enfance comme toi. Et donc, quand j'ai pratiqué le catéchisme, alors j'étais déjà un petit peu dans le doute de ce qu'on m'inculquait entre les principes dogmatiques et je me posais beaucoup de questions. Il y avait des choses que je comprenais pas trop, mais bon, j'ai jamais été une rebelle enfant, j'étais plutôt très sage. La rébellion, je l'ai faite plutôt dans l'adolescence. Donc, j'ai répondu à la demande de ma mère, surtout, qui voulait que ses enfants suivent le catéchisme. Ensuite, donc, communion, enfin, tout le tralala. Et déjà, à ce moment-là, la communion, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. C'était normalement des eaux blanches qui arrivaient jusqu'aux pieds. Et moi, j'ai décrété que je ferais ma communion en habit civil. Donc j'étais la seule Donc, tu de étais tout déjà rebelle, jeune. Oui, et heureusement, ma mère ne m'a pas forcée à porter l'aube. Elle m'avait même confectionné un petit ensemble exprès pour la communion, mais qui était pas du tout comme un aube, quoi. C'était une jupe avec un petit haut. Voilà, et sinon, j'ai été confrontée aussi à la mort de certains proches. Et déjà, j'avais des ressentis, on va dire, énergétiques. Je pouvais, quand j'allais dans certains lieux, ressentir dans mon corps si j'étais en paix ou si j'étais un petit peu perturbée. Donc déjà, ça m'a permis bah, d'avoir des antennes hein, qui se sont développées quand même de plus en plus, jusqu'au point où il y a, on va dire, une vingtaine d'années maintenant, 18 ans, oui, je me suis, comment dire, formée au Reiki. Et à partir de là, on va dire que j'ai plongé dans la grande soupe du New Age, mais à fond les ballons, comme on dit. Oui, ben moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai lu des livres du Nouvel Âge. J'ai fait la Voilà, formation exactement. de niveau 1, Reiki. Voilà, exactement. Donc, j'ai toujours énormément lu, beaucoup fait de choses en autodidacte aussi. Donc, j'ai pratiqué beaucoup l'astrologie en autodidacte, la numérologie, plein d'outils comme ça de connaissance de soi. J'ai même fait des thèmes en numérologie pour quelques entreprises et des particuliers. Mais je faisais ça comme ça sur mon temps de loisir, on va dire, puisque à l'époque, j'ai travaillé pendant 25 ans dans la fonction publique, et jusqu'au point où vraiment je sentais que j'étais pas du tout à ma place, aucune créativité possible, et je commençais à devenir vraiment très mal, hein, psychologiquement. Donc, entre-temps, je m'étais formée à beaucoup de choses sur la santé holistique, sur l'énergétique. Donc, j'avais décidé de franchir le pas et de démissionner de la fonction publique. Donc là, déjà, le regard extérieur a été pas forcément compréhensif. Ma famille n'a pas trop compris parce que sécurité de l'emploi, tout lâcher pour partir à l'aventure, ouvrir un cabinet, se mettre à son compte. Enfin bon, c'était pas des choses qui étaient dans la tradition familiale. Et puis j'avais aussi dans mon entourage des collègues qui soit me trouvaient complètement allumée ou alors avec une petite pointe de, on va dire de fierté dans le sens où oh bah toi au moins tu oses, t'as le courage. Moi j'aurais jamais eu le courage. Oui, ben, je peux très bien comprendre l'enjeu auquel tu as été confronté, parce que c'est sûr qu'après 25 ans, j'imagine, tu dois avoir le fonds de pension, la sécurité, Oui, tout à les fait, jours tout de à fait. congé, ouais, toute la grosse structure. Fait que tu À avais mon le. Oui. voilà. Fait que Pour tu autant renonçais que à mon beaucoup quand conjoint, même. Ouais. comment? J'ai dit, tu renonçais quand même à quelque chose de gros, là. Oui. Alors, avant de rentrer dans la fonction publique, j'ai été, enfin, pas mariée parce que j'avais aussi la rébellion du mariage. Donc, j'ai vécu en couple pendant 25 ans. Avec donc le père de mes enfants. Et je me suis séparée de lui, j'ai rencontré un autre homme. Ensuite, j'ai démissionné de la fonction publique. Donc, j'avais des enfants en bas âge à ce moment-là. Mais j'avais tellement confiance dans les outils que j'avais, ma compréhension de certaines choses que je me disais, il n'y a pas de problème. Je vais réussir une nouvelle activité et je vais vraiment m'épanouir dans ce que je fais. Donc, eh ben, bon an mal an, on va dire, j'ai avancé comme ça pendant 5-6 années durant. J'ai rencontré plein de personnes superbes. J'ai beaucoup avancé aussi parce que c'est pas parce qu'on accompagne des personnes à se sentir mieux dans leur vie, c'est pas unilatéral. Moi, j'en ai beaucoup appris aussi pour moi-même. Et en fait, je me suis aperçue ben, il y a très peu de temps, on va dire il y a 2-3 ans, que cette partie de ma vie était nécessaire pour mon développement personnel dans l'éveil, en fait. Et à ce moment-là, j'avais, quand j'accompagnais des personnes, un outil de communication qui s'appelle la communication profonde. Et en fait, je me suis aperçue que c'était une façon d'être en connexion avec l'inconscient des personnes. Et j'amenais les personnes à mettre en parole et en mots écrits des choses dont elles n'avaient pas du tout conscience parce que c'était pas le mental qui s'exprimait, c'était pas leur ego, c'était vraiment une part plus profonde d'elle-même. Et Donc, autrement dit, dans mon vocabulaire à moi, est-ce qu'on peut dire que tu amenais les gens à canaliser l'esprit? alors, je me suis posé la question après, quand je me suis intéressée au supramental, parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert Bernard de Moreas, c'est depuis l'année dernière, ça fait un an, un petit peu plus d'un an. OK, oui. Et en fait, quand je l'ai entendu en vidéo, ça a été comme si tous mes petits morceaux de puzzle épars s'étaient reconstitués en une image. Donc, j'ai fait waouh, mais c'est exactement, voilà, ça me parlait dans toutes mes cellules, enfin, ça continue à me parler aussi. Et donc, ta question, excuse-moi, pour le coup, je l'ai mangée, tu voulais savoir? Ben, ce que tu parlais, là, donc, d'amener Ah, le les. fait de Oui. communiquer, oui. Alors, en fait, je permettais aux personnes que j'accompagnais de pouvoir exprimer leurs différents plans de vie, c'est-à-dire leur multidimensionnalité. Donc ça pouvait rester très basique sur, on va dire, le corps physique. Ça pouvait être aussi le corps émotionnel, donc automatiquement le corps astral. Et ça partait aussi dans, on va dire, des programmations transgénérationnelles. J'ai beaucoup travaillé avec la symbolique, l'approche de Jodorowsky et tout ce qui est aussi arbre généalogique, hein, parce que je me suis aperçue qu'on était aussi beaucoup manipulés par nos ancêtres. Qui à travers nous, pour certains qui avaient été complètement reniés de l'arbre familial, voulaient à tout prix reprendre leur place. En fait, c'est ce qui s'appelle tout ce qui est lié à un système, en fait. Et donc, je pratique encore la constellation familiale et systémique, ce qui permet justement de pouvoir remettre de l'équilibre dans un système. Et en fait, ce système-là existe aussi au niveau cosmique. Il y a automatiquement une balance qui doit être équilibrée. Donc, lorsqu'elle est déséquilibrée, bah, il y a des choses qui ne sont pas du tout en harmonie, on va dire. Donc, ces personnes-là, avec un travail personnel, parce que justement, je les amenais à devenir autonomes, j'ai toujours refusé de fidéliser une clientèle. Ça, c'est quelque chose que j'avais en horreur. Déjà, pour moi, je ne voulais pas devenir un bâton de maréchal pour les thérapeutes. Donc, j'essayais de faire pareil aussi avec mes clients et j'essayais de les rendre les plus autonomes possibles. Donc, dès qu'ils avaient réussi à avancer dans leurs problématiques, ils avaient des tas d'outils et ils avaient des ressources auxquelles je les accompagnais à percevoir leurs propres ressources à eux. Donc, Ouais, c'est intéressant comme démarche de les rendre autonomes parce qu'à ce moment-là, ça ne garde pas un rapport de dépendance par rapport à eux, puis ça ne crée pas de karma de vous par rapport, ben de toi par rapport à eux autres, là. voilà. Et puis, automatiquement, il y a toujours quand même des miroirs qui se font de moi par rapport aux personnes que j'accompagne. Donc, toujours l'intérêt aussi d'aller voir en moi ce qui se révélait par rapport à la problématique d'une personne. Et à ce moment-là, j'ai toujours eu aussi à cœur de me faire accompagner de mon côté dès que j'avais un problème aussi particulier par rapport à ces séances-là, pour justement ne pas rester dans un transfert et soit de transférer des choses qui m'étaient personnelles à la personne, soit de garder quelque chose de cette personne qui en fait ne m'était pas du tout personnelle à moi-même, quoi. En effet, c'est très pertinent pour pas que tu restes par la suite imprégné de la vibration de l'autre personne qui va, Voilà. c'est ça, teinter ton aura, là. Voilà, exactement. Oui. Et donc, pour en revenir à Bernard, j'ai souvent été et je suis toujours très connectée dans la communication avec Internet, ce qui fait que mon esprit doit vraiment agir pour que j'aille exactement sur les sites ou sur les vidéos que je dois regarder à un moment donné. Et l'année dernière, donc, ça date déjà d'il y a 2 ans, j'étais tombée sur les vidéos sur YouTube de Bernard, mais j'étais pas prête. Ce qui fait que j'avais tenté d'en écouter quelques-unes, et puis il y avait quelque chose qui passait pas du tout. Ça bloquait complètement. Je me disais, oh là là, mais c'est qui ce type? Il a une façon de parler, on dirait qu'il agresse tout le monde. Ça passait pas du tout. Et donc, ben, j'ai laissé de côté. Et puis, ben, visiblement, j'étais prête il y a un peu plus d'un an. Et là, ça a été vraiment une révélation de son enseignement, pas de la personne, hein, bien que je le trouve très sympathique, mais l'enseignement l'instruction qu'il donne au travers de ses vidéos et même de ses livres, voilà, c'est quelque chose, je sens, qui travaille à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas du tout intellectuel et ça me fait un bien fou Oui, parce que exactement, parce que ça travaille au voilà. niveau de la vibration plutôt que Voilà. de la forme, comme les techniques qui existent. Exactement. Parce que je suis une personne très mentale. avec une efficience mentale, j'ai, je sais pas combien, 15 000 idées à la seconde. Enfin bon, c'est, il y a des moments, c'est vraiment très fatigant. Ce qui fait que de trouver quelque chose qui me permette de moins intellectualiser et de laisser faire, ça me soulage beaucoup. Et je sens que ça m'apporte beaucoup. Voilà. Oui, bien certainement, parce que c'est sûr que de laisser l'énergie opérer en soi puis de la canaliser, c'est beaucoup moins forçant que de chercher, par exemple, à parler en récitant là, des points 1, point 2, puis là, tu suives une liste d'épicerie, puis il faut mémoriser, puis c'est Exactement. ça demande moins d'énergie, c'est plus efficace, je trouve. Ouais. Et justement, quand j'étais dans ma période New Age à fond, alors bien sûr, il m'en reste sûrement encore quelques traces, j'ai fait beaucoup de rituels. OK. Alors, des rituels avec des protocoles. Alors, déjà, quand on est initié Reiki, il y a plein de protocoles. Et de toutes ces expériences, j'ai appris aussi énormément de choses parce que ça m'a permis de découvrir la manipulation astrale qui se cache derrière tous les protocoles, toutes les formations. Enfin, bon. Donc, quelque part, ça m'a beaucoup appris. Et j'ai été jusqu'à accompagner un prêtre exorciste dans l'exercice de ces séances. Et là, c'est pareil, avec des textes en latin, avec bon, ben des choses particulières qui sont très associées aussi aux dogmes religieux, notamment catholiques. Donc voilà, j'ai. Comme tout ce que je fais, j'y vais à fond. Puis une fois que c'est ce que tu appelais dans une de tes dernières vidéos sur l'expérience, je ne me rappelle plus du titre. Ben, c'était sur la saturation Voilà, expérientielle. exactement, Ouais. exactement. Et là, franchement, je me reconnais vraiment là-dedans. Il y a des situations que je vais vivre, par exemple, où je sais au fond de moi que ce n'est peut-être pas forcément juste dans le sens bénéfique, mais je sais que au bout du compte, ça va m'apporter quelque chose. Donc j'y vais quand même. C'est comme en fait si j'avais une conscience, on va dire, de l'instant T dans laquelle je vis la situation, et une conscience qui est plus dans le temps futur. Qui me révèle qu'en fait, la situation en elle-même, effectivement, risque même de m'être très inconfortable à vivre, mais je vais en recevoir les fruits plus tard. Donc, en fait, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Même si j'avais une petite voix, on va dire, du futur qui me disait, oui, bon, bah, effectivement, fais-la cette expérience-là, mais bon, franchement, tu vas pas te régaler au bout du compte, mais fais-la. Et en fait, effectivement, je m'apercevais que c'était pas forcément quelque chose de plaisant, mais j'avais besoin de le faire pour intégrer des choses cellulairement, quoi. Je travaille beaucoup aussi en fonction du corps. Oui, Et ben ça. c'est très intéressant. C'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, ça me fait penser à la dualité interne qu'une personne peut vivre entre la voix de l'ego et la voix de l'esprit en son sein. Voilà, exactement. Et en parlant d'ego, justement, j'ai un ego très très fort. Alors c'est à la fois intéressant parce qu'il va servir de garde-fou, mais aussi il faut être vigilant pour qu'il ne prenne pas toute la place. Et c'est tout le cheminement que je suis en train de faire depuis l'année dernière avec le supramental, c'est de que mon ego soit au service de l'esprit et non le contraire, quoi. Bien, ça prend un rapport équilibré entre l'esprit et l'ego. Je dirais, moi, je vais apporter une nuance en ce qui me concerne. Je dirais pas nécessairement que l'ego est au service de l'esprit dans le sens que d'être servile, mais plutôt l'ego s'ajuste à l'esprit pour qu'il y ait une harmonisation. Puis c'est sûr que l'ego, Exactement. c'est ça, doit tenir compte de l'intelligence de l'esprit, là, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est une histoire d'ajustement, Exactement. il ne faut pas que ça soit l'ego qui tire la couverture à lui totalement, quoi. Il doit. Non, c'est ça, il ne faut pas que l'ego cherche à, dans le fond, à dominer. Voilà, oui. Exactement. On capte la même chose, mais des fois, c'est difficile à parler parce que Exactement, l'individu exactement. qui, c'est ça qui se conscientise, qui vit le supramental, il n'est pas soumis à l'esprit, il n'est pas soumis aux entités, il n'est pas quelqu'un qui va se mettre à genoux. Il va horizontaliser la relation avec l'esprit. Mais c'est sûr que si l'esprit dit quelque chose qui est intelligent, l'ego doit automatiquement s'ajuster à lui. T'sais, il ne doit pas être orgueilleux puis faire le contraire, parce que sans ça, il se retarde dans son évolution. Voilà. Et ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que l'ego, quelque part, assure la survie. Et donc, tant qu'on est encore englué dans des peurs et dans des angoisses existentielles de survie, d'existence, eh bien, effectivement, l'ego, il a du mal à laisser la place à l'intelligence. Oui, exactement, parce que après tout, les angoisses existentielles, la peur, tout ça, c'est en lien avec l'astral, puis il faut que l'énergie astrale au sein de l'individu soit tassée et remplacée par l'énergie éthérique en relation avec l'esprit, pour qu'il y ait une mutation de sa structure énergétique, de son aura, puis aussi de ses cellules. Mais pour que le nouveau rentre, il faut que l'ancien se tasse, puis souvent l'ancien, il y a des résistances. Exactement. Donc, c'est ça le défi de l'intégration du processus par rapport à la fusion. Et les résistances, justement, c'est toujours lié, enfin, à ce que j'en ai compris, intégré en tout cas, les résistances sont toujours liées à des peurs de perdre, à des peurs de manquer, à des peurs de l'inconnu. Tout ce qui fait la réalité, on va dire, d'une réalité humaine conventionnelle, quoi, d'homme avec un grand H inconscient. Mais dès qu'on commence à devenir de plus en plus conscient, moi je me rends bien compte que vibratoirement, il y a des choses déjà qui ne peuvent plus continuer à être dans ma vie. Donc déjà, beaucoup de tri de fait concernant les amitiés, concernant même la famille, enfin beaucoup de choses. Et c'est sûr que c'est pas forcément confortable au départ, parce qu'on a l'impression de se couper de tout, de tout le monde, enfin de tout ce qui faisait un environnement connu. Mais vibratoirement, voilà, c'est plus possible, on peut plus faire marche arrière en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que lorsqu'on commence à être dans un cheminement de conscience et d'éveil à plus grand que la petite personne et le petit ego, il y a des ajustements qui se font et automatiquement, bah, on n'attire pas les mêmes personnes, on n'attire pas les mêmes vibrations, on n'attire pas les mêmes situations de vie. Et donc, j'essaye toujours de mettre en relation les messages qui m'enseignent des relations personnelles, humaines et des situations que je vis pour à chaque fois essayer de réajuster ma vibration au réel. Oui, c'est très intéressant parce que c'est comme ça que l'intégration se fait. Puis, comme tu le mentionnes, si la personne change, elle n'attire plus les mêmes personnes parce que on est tous interreliés. Et puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les gens de notre environnement, les événements aussi, vont s'adapter à notre niveau taux vibratoire. Ouais. Et je me suis rendu compte que pour autant, comme l'astral est très prégnant au niveau de la Terre, au niveau de la conscience planétaire, il y a de, comment on appelle ça, une espèce de friction qui se met en place aussi, comme si les entités de l'astral essayaient par des moyens détournés, sachant qu'elles peuvent de moins en moins réussir à atteindre la personne. Elle va s'en prendre à l'entourage, soit familial, soit proche, en faisant jouer la corde affective, la corde émotionnelle. Donc, c'est aussi un travail quotidien de vigilance, de voir dans quelle situation, quel est le test, en fait, quelque part, qu'on doit passer. J'ai l'impression qu'il y a des tests tous les jours à passer, quoi. Oui, exactement. Il y a régulièrement des tests à faire dans le sens que c'est intéressant que tu l'abordes, dans le sens que on peut être confronté à des gens dans notre environnement qui vont essayer de nous amener dans des états de réactivité émotionnelle puis nous décentrer. Oui. Puis il faut être capable d'être stable psychiquement en dépit de ça. C'est ça qui va nous donner une mesure réelle de l'intégration, parce que si on n'est pas confronté à de l'adversité, on peut s'imaginer avoir réalisé une intégration de la conscience, mais si on n'a pas d'expérience concrète qui nous en donne une mesure, ben on ne le voit pas sur le plan pratique. Voilà, alors c'est ce que j'appelle moi les tests de feedback. Voilà. Toujours ramener à soi ce qui est vécu. J'écris beaucoup. Je fais des récapitulations, comme je les appelle. C'est-à-dire que, voilà, quand je sens que je suis décentrée, quand je sens qu'il y a des choses qui me tiraillent, eh ben, j'écris. Donc, quelque part, c'est de la parole. Qui se pose sur papier. Bernard parle de l'importance de la parole. Et moi, je sais que dans ce que j'ai l'habitude de faire dans l'accompagnement aux personnes, c'est que de pouvoir extérioriser, soit par écrit, soit par la parole, des problématiques ou des troubles émotionnels, ça permet déjà de s'y désidentifier. Donc automatiquement, on a une vue plus globale d'une situation et on n'est pas caché par un seul arbre qui nous bouche la vue, on voit toute la forêt, quoi. Oui, c'est très pertinent. Moi-même, j'utilise la parole pour me réajuster, la parole à voix haute. Je peux écrire aussi. Je tiens un journal personnel où je vais décrire des événements difficiles dans une optique d'intégration. Puis, c'est sûr que la parole, surtout quand elle est utilisée d'une manière impersonnelle, c'est-à-dire en enlevant le je, me, moi, en prenant un recul, ça peut être une façon aussi, en particulier, de nous amener à sortir de nos œillères, puis d'avoir justement un portrait plus global de la situation pour sortir de la réactivité émotionnelle. Oui, et justement, j'ai beaucoup apprécié l'exercice que tu avais donné à faire à certains de tes interviewés, que j'ai pratiqué moi-même aussi, et ça aide beaucoup. Et déjà, je me suis rendu compte que ça permettait de calmer le mental. Donc moi, ça m'apporte énormément de parler justement objectivement plutôt que subjectivement. Donc, il y a moins de questions qui se posent et puis on laisse venir les choses. Et quelque part, c'est peut-être inconsciemment quelque chose que j'avais tendance à faire, mais je ne mettais pas forcément des mots dessus sur ce genre d'exercice. Et quand j'accompagne des personnes justement dans ma pratique, bah c'est quelque part cette même méthode que j'utilise. Ah, ben c'est excellent. Parce que c'est une méthode que je trouve efficace là, pour sortir de la perspective subjective. Donc, puis se mettre en mode canalisation. Moi, en tout cas, ça donne des résultats satisfaisants dans ma vie. Fait que j'imagine que ça peut être utile aussi pour d'autres personnes. Et d'autant plus quand on le fait à deux ou à plusieurs, hein. Après ça peut être dans un petit groupe aussi. Oui. Automatiquement, comment dire, les niveaux de vibration de chaque personne vont se syntoniser. Il y a quelque chose de plus efficient qui se passe dans la réception des messages canalisés, on va dire. Ouais, ben en fait, ce que je capte en lien avec ce que tu dis, c'est que si c'est effectué à deux ou à plusieurs, si les gens sont assez transparents dans l'ego, ben la personne qui canalise va bénéficier du support énergétique des autres personnes. Exactement, oui. Donc, à ce moment-là, ben ça amplifie la captation vibratoire parce que la présence des autres va créer un phénomène dans lequel les gens vont s'écran, ben comme tu disais, ils vont synchroniser entre eux. Puis, c'est ça, la personne va bénéficier de l'énergie du groupe pour être supporté dans la manifestation vibratoire, au même titre que, par exemple, quelqu'un qui va s'exciter après un match de hockey va bénéficier de l'énergie du groupe pour s'exciter s'il est entraîné dans ce mouvement-là astral. Oui, tout à fait. C'est ça, parce que le groupe peut amplifier à la fois un mouvement astral puis à la fois un mouvement mental, mais pour que ça soit une amplification d'un mouvement mental intelligent, bien, il faut que les gens aient une sensibilité pour capter l'énergie mentale, c'est-à-dire supramentale, là. Oui. Donc. Et la difficulté, par contre, c'est la personne qui va accompagner plusieurs personnes dans ce genre d'exercice, je pense qu'elle doit être encore plus vigilante à rester centrée parce que, il suffit d'une personne, d'un groupe, hein, qui se descende complètement et qui peut tirer en arrière, vibratoirement l'ensemble du groupe. Donc c'est toujours, Oui, une espèce certainement. de réajustement. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut que la personne qui dirige le groupe ait une grande autorité énergétique, une grande Ouais. stabilité psychique, une grande capacité de contenance. C'est ça, c'est une des Ouais. raisons pour lesquelles j'ai apprécié, entre autres, beaucoup Bernard de Montréal, parce qu'après tout, il donnait des conférences devant des grandes salles. On parle de salles d'à peu près 500 personnes. Donc, d'être capable de contenir l'énergie de tout ce groupe-là, ça en demande un maudit, ça demande une très grande force de volonté, là. Oui, et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, un être humain qui a fusionné automatiquement est complètement centré dans sa propre énergie. Et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il n'y a pas des Bernards à tous les coins de rue. Ouais, ben Bernard, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que les êtres humains, par la suite, de ce que je comprends, c'est plus des fusions progressives. Oui. Donc, lui, il avait implanté le mouvement, donc il devait le vivre intensément. Le vivre complètement à fond. Lui, il a plongé complètement, quoi. C'est ça. Mais c'est qu'il faut comprendre qu'avant de s'incarner sur Terre, son esprit avait une fonction particulière qui peut être différente des êtres qui vont évoluer de l'évolution vers l'évolution. Donc, il y avait un parcours différent en vue d'implanter cette conscience-là sur Terre, de ma compréhension, là. Oui. C'est sûr que il circule. En tout cas, on pourrait dire plusieurs choses. Puis bon, Bernard me fait penser un petit peu à Obélix dans Astérix, qui est tombé Ah. dans la potion magique quand il était Ah petit. oui. Puis, à la différence des autres, dans les bandes dessinées d'Astérix, il n'est pas obligé de prendre la potion magique. Voilà. Lui, ouais, il a été plongé dedans directement à la naissance. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que lui, il n'a pas besoin Dans le de... chaudron. Oui. Fait que lui, il n'a pas besoin de support de substance ou d'écoute d'enregistrement pour goûter à cette vibration-là parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé qui l'a branché au préalable. Et je me suis rendu compte aussi, une prise de conscience, une intégration, que Oui. quand on parle des programmations, effectivement, il y a des programmations qui sont des. Elles sont toutes quelque part manipulatoires, puisque c'est un programme. Pour autant, il me semble que la programmation de l'âme est une programmation super importante à pouvoir, intégrer en soi. Parce que je pense que c'est le fil conducteur aussi de tout ce qui va s'articuler autour, même au niveau de la communication avec l'esprit. Dans la forme que va manifester cette communication par rapport à une programmation de son âme. Oui, exactement. De prendre en considération la programmation de l'âme, c'est pertinent parce que c'est à travers le véhicule que l'esprit va s'exprimer dans la matérialité. Voilà. Et c'est pas justement parce qu'une personne, comment dire, va manifester dans sa réalité une forme que cette forme devra être manifestée pour toutes les personnes autour. En fait, selon moi, la forme, elle est associée à une programmation d'âme au départ, puisque l'âme. C'est la force, on va dire, qui permet de descendre dans l'incarnation. L'esprit est obligé de suivre, parce que lui, l'esprit tout seul, il n'a aucune envie de s'incarner, hein, c'est vraiment une envie de l'âme, ce que j'ai intégré. Et lorsque l'âme arrive dans l'incarnation, dans un corps physique, elle a déjà une programmation. Donc, soit dans sa vie terrestre, on suit cette programmation. Et on essaye de conscientiser toutes les situations, d'intégrer tout ce qu'on vit pour justement être toujours dans cet axe de programmation d'âme. Et à ce moment-là, quelque part, on surfe un peu sur la vague de cette programmation. Mais par contre, si on n'a pas cette conscience d'être dans la connaissance de cette programmation de l'âme, et de se laisser, on va dire, plutôt diriger par la personnalité et par l'ego, il y a une sorte de souffrance qui s'installe dans l'homme, dans la personne, qui fait qu'elle, au travers de ses mal-être, elle va quelque part se distancer de sa programmation d'âme et avoir de la difficulté à revenir, on va dire, sur un rail à manifester dans sa réalité d'incarné. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, mais je veux l'amener avec un exemple concret. Puis tu me diras si ça va dans le sens de ton explication, là. Donc, l'exemple qui vient en tête pendant que tu parlais, c'est par exemple, quelqu'un en tant qu'ego, il aimerait être une vedette de musique rock populaire connue internationalement. Puis ça, c'est son désir. Mais dans sa programmation d'âme, il est supposé de parler à une couple de personnes de conscience supramentale. Donc, un décalage entre les deux. Puis si la personne n'est pas à l'aise à assumer le fait que finalement elle est venue sur Terre pour faire un processus d'intégration, puis à parler à une poignée d'individus, puis à désire toujours être la vedette rock de renommée internationale qui va se promener dans des jets privés, puis dans des gros buffets, puis des gros parties, ben, la personne va souffrir. Oui, mais j'ajouterais qu'elle peut quand même passer par ce cheminement de la rockstar pour arriver à un moment à souffrir tellement au niveau de l'âme qu'il va y avoir un choc. Et ce choc va faire qu'en fait, elle va avoir vécu son expérience à fond égotique pour s'apercevoir que bah, quelque part il faut qu'elle réajuste tout ça quoi. C'est pas foncièrement la bonne direction pour la programmation de son âme. Mais c'est parce qu'elle sera passée par ce cheminement de la star rock en vivant à fond tout ce que son ego voulait vivre. Ça va peut-être comment dire lui créer ce choc salutaire pour se rendre compte qu'en fait voilà. Elle commence à toucher du doigt la programmation de son âme. Mais ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, ce genre de cheminement à intégrer, parce qu'il y a des personnes qui vont pas voir la subtilité entre la star rock et puis la personne qui va avoir une influence sur l'éveil des foules. Et à ce moment-là, la star rock, elle risque d'arriver jusqu'à ben, soit une extrême souffrance qui va la porter au suicide. Et je pense qu'il y a beaucoup de star rock, malheureusement, qui ont fini comme ça parce que quelque part, elles n'ont pas compris la programmation de leur âme. Ou alors une forme de suicide avec tout ce qui est psychotrope, drogue, alcool. Parce que justement, les personnes qui vivent à fond le programme égotique en se laissant manipuler par l'astral et en ayant complètement occulté la programmation de leur âme. Voilà, si la petite étincelle n'est toujours pas là, ben après elle plonge complètement. Oui, exactement. Puis c'est des fois en touchant le fond du baril après une surdose de drogue que la personne, si elle n'est pas fatale, des fois elle va s'éveiller puis elle réalise l'importance de devenir sobre puis de changer sa vie par la suite, là. Donc, c'est ça, c'est des enjeux intéressants à aborder parce que tant que la personne peut vibrer justement à l'unisson avec l'astral qui l'amène à idéolâtrer là, des vedettes de la musique ou du cinéma, elle peut être dans l'envie puis dans le désir d'être comme eux autres ou d'être très riche, mais en réalité, si ces choses-là l'amènent pas à évoluer en conscience, ben tôt ou tard, elle peut en vivre le contre-coup, là. Et pour préciser, je dirais, enfin, je dis je, mais souvent les messages me viennent, donc c'est pas je, hein. Y a pas de problème. Voilà. Ah, pour le coup, j'ai coupé la communication. Oui, l'homme inconscient va confondre plaisir et vibration. Et l'homme conscient va faire la distinction entre le plaisir et la vibration. Oui, c'est intéressant parce que l'homme inconscient, ben, j'aime mieux utiliser l'expression individu parce que je trouve que c'est plus inclusif par rapport à la femme, là. Parce que, bon, mais je comprends que tu utilises le terme homme là, dans le sens générique, là, puis c'est bien correct, là, Voilà, ouais, si tu veux continuer de l'utiliser dans parce ce que sens-là. je suis complètement dans l'instruction de Bernard, Oui, c'est ça. Lui, il utilise l'expression homme, mais moi, j'étais de là. l'avis de Richard Glenn, qui lui a déjà mentionné en pleine entrevue qu'il Oui. préférait utiliser le terme humain parce que ça incluait, dans le fond, l'individu masculin et féminin. Puis là, c'est ça que Bernard, il a conservé pareil son mot parce qu'il y avait beaucoup de volonté. Voilà, voilà. Mais Alain, ce que tu dis, ben c'est ça, c'est intéressant de faire la distinction entre le plaisir et la vibration, parce que le plaisir, ça s'adresse plus au niveau des sens, ça s'adresse à l'âme, Oui. tandis que la vibration, ça s'adresse à l'individu qui a une conscience vibratoire pour la capter, c'est-à-dire qui est en contact déjà psychiquement avec l'esprit pour la lire, Oui. l'intercepter. Et d'ailleurs, quand on reste dans le plaisir, quand l'individu reste dans le plaisir, il n'y a jamais de fin. C'est-à-dire que le plaisir est éphémère. Il va toujours vouloir continuer à accéder à un autre plaisir. Alors que quand on est dans la vibration et qu'on reconnaît la vibration, bah quelque part, il n'y a jamais de fin. C'est au contraire le début de tout. Oui, surtout que la vibration est de nature infinie, étant donné que l'esprit qui la sous-tend est un être infini. Fait que c'est sûr qu'en effet, ça me fait penser à l'enregistrement que j'ai fait sur la saturation expérientielle, où quelqu'un peut écouter plusieurs vidéos, puis il a du plaisir, il faut tout le temps qu'il en écoute, il en écoute, puis ça donne jamais un état de plénitude aussi grand que celui de canaliser la vibration, puis de se manifester créativement. Oui. D'ailleurs, dans le plaisir, il y a rarement de la créativité. Quand il y a vraiment de la créativité, c'est qu'il y a de la vibration. Oui. Mais c'est sûr qu'idéalement, pour l'âme puis l'esprit, que les deux soient harmonisés, ben c'est d'être capable de dire, par exemple, des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, puis tu sais, de parler de Sûr. conscience avec un certain plaisir de vie, une certaine humour, une certaine Voilà. convivialité. En fait, c'est un juste dosage. Oui. Le plaisir, effectivement, il fait partie de l'incarnation, puisqu'on a des sens physiques, donc le plaisir doit être aussi honoré. Moi-même, j'adore manger, j'adore regarder des beaux paysages, j'adore l'art pictural, enfin bon, tout ce qui éveille les sens, je trouve ça hyper vibrant quelque part, mais ne pas se laisser noyer là-dedans. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on peut apprécier une peinture sans se laisser absorber par elle, puis être décentré, puis de perdre le contact avec l'esprit à ce moment-là. Voilà. Fait que c'est sûr que c'est intéressant parce que ça me ramène aux enjeux par rapport à l'individu qui veut être bien dans sa peau, puis l'esprit qui veut l'amener à évoluer, puis là, c'est de faire un équilibre entre l'évolution puis le plaisir de vie. Voilà. Mais c'est simple à dire, mais au niveau dans la vie de tous les jours, d'équilibrer les deux aspects, c'est pas nécessairement évident, là. Alors oui, c'est pas évident et moi j'ai mis le doigt sur la difficulté. En fait, c'est la difficulté de prendre le temps. Et je sais que depuis 5 ans où on va dire mon temps, ma priorité du temps a changé, j'ai plus de temps pour moi aujourd'hui. Ça m'est plus facile de pouvoir faire cet équilibre-là. Mais ça m'oblige quelque part à être en dehors d'un certain système qui compresse le temps, qui engouffre les gens à être tributaires d'horaires, à partir le matin tôt, travailler, rentrer le soir exténué, se coucher, attendre le week-end, faire deux, trois petits mouvements de sport pour se remettre à flot pour la semaine. Enfin bon, moi je suis plus dans ce rythme-là. Donc pour moi, c'est vraiment un luxe. Mais je comprends que lorsqu'on est complètement assimilé dans un travail qui prend beaucoup de temps, dans lequel on s'épanouit pas forcément. Je parle d'un travail professionnel. Quand on a des charges, une charge familiale, quand on a, voilà, tout ce qui fait le quotidien, on va dire, est pressé par cette notion de temps. Déjà, physiquement, l'individu est fatigué. Donc, quand on est fatigué, c'est très difficile de pouvoir avoir une clarté d'esprit. Puis après, c'est un cercle vicieux qui continue, quoi. Oui, exactement. Et on se retrouve en Occident, là, avec beaucoup de situations d'épuisement professionnel à Voilà. cause du rythme qui est rapide, la pression sur les parents de travailler. Le matin, il faut qu'ils aillent porter les enfants. Ensuite, il faut qu'ils courent se rendre au travail. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils courent pour aller rechercher les enfants. Il faut qu'ils courent pour faire à manger. Il faut qu'ils courent pour faire les devoirs. Il Ce faut. sont des conditions qui n'amènent pas l'individu à pouvoir se poser pour se recentrer en lui-même. Exactement. Donc, puis là, après ça, on se demande pourquoi que les gens consomment autant d'antidépresseurs, que ce soit au Québec ou dans d'autres pays. Et pourquoi ils sont autant attirés par la malbouffe aussi, en compensant, en mangeant du sucre, en mangeant du mauvais gras? Parce que tout ça concourt aussi à développer des addictions alimentaires qui sont phénoménales et qui prennent des proportions énormes. Maintenant, on a des cas d'obésité partout, dans tous les pays. Oui, exactement. C'est très bien dit. C'est sûr que, dans le fond, en ce qui me concerne présentement, j'ai pas d'enfants, puis j'ai pas. Je trouve qu'en tout cas que la société, avec le rythme qui est rapide, puis la pression sociale, puis la façon que c'est géré, moi, dans le fond, je trouve ça malsain. C'est Bien sûr, dans bien beaucoup de sûr. cas, Et là, ouais. bon, ça a quand même un intérêt, on va dire, pour certains qui manipulent la masse. L'intérêt de pouvoir contrôler cette masse. Si c'est une masse qui peut avoir dans chaque individu l'objectivité nécessaire pour se rendre compte des tenants et aboutissants de ce qu'il vit et pourquoi il est obligé de faire ceci et pourquoi on l'oblige à faire cela, automatiquement, les individus reprendraient leur pouvoir personnel et ce serait vraiment difficile de manipuler les masses. Alors que de cette façon-là, les masses sont très facilement manipulables parce que on appuie sur les bons boutons, hein. Déjà, le bouton du temps. Lorsqu'on laisse aucun temps à une personne pour se retrouver lui-même et qu'on le manipule à toujours être dans l'action, à toujours avoir l'attention monopolisée sur des écrans, télé, ordinateur, tablette, téléphone, c'est impossible pour l'être humain de pouvoir s'apercevoir déjà qu'il a une conscience. Exactement. Donc, les gens sont manipulés justement avec les nouvelles technologies, la pression, la consommation aussi. Tu sais, les parents, il faut qu'ils travaillent pour que les jeunes enfants aient des smartphones, des téléphones intelligents. Il faut prendre les souliers de marques reconnues, les vêtements griffés. Il y a toute une lourdeur que j'ai captée chez des gens de mon environnement. Puis c'est sûr que je trouve ça dommage. Puis c'est. En tout cas, je trouve que c'est déshumanisant, en tout cas de ce que j'ai perçu. Bon, je sais que c'est pas, je ne veux pas généraliser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec le rythme présent, puis c'est leur affaire. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me donnent l'impression de s'user prématurément en étant soumis à cette cadence-là. Bien sûr, bien sûr. Oui, moi j'ai l'impression que le mal de ce siècle-là, c'est un mal neuronal. C'est-à-dire que les individus sont complètement déshumanisés au niveau de leur cerveau. Ils deviennent des robots. Et à partir de là, un robot, il réfléchit plus, quoi. Il est programmé. Exactement, il n'y a pas le temps pour faire preuve d'esprit critique puis remettre en question le programme. Voilà. Fait que là, après ça, il y a plein de gens qui développent soit des problèmes de santé, ils font des épuisements professionnels, ensuite font des crises cardiaques, ensuite ils se ramassent avec des cancers. Mais oui, tout à fait. Et puis ça alimente aussi, on va dire, le secteur économique de tous les laboratoires pharmaceutiques qui n'ont qu'un intérêt commun, c'est de pouvoir continuer à ce que les gens soient malades. Bon, en fait, je vais nuancer là, pour pas que les gens disent que ah, ben là, vous êtes dans le conspirationnisme, là. Aucun propos. Je vais dire plutôt que c'est sûr qu'à quelque part, les laboratoires pharmaceutiques, c'est une industrie de faire des médicaments, là. Voilà, c'est une industrie. Exactement, là. Donc, t'sais, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils vont même implanter des. Ben, ça dépend, là, mais je veux dire. C'est délicat parce qu'il y a des gens qui vont prendre un propos puis vont partir en peur avec elle. Puis là, ils vont dire, ah, il y a des plans pour exterminer la population, pour créer des maladies, puis ils vendent des médicaments. Puis bon, faut faire attention parce que là, il y a des gens qui Bien vont sûr. se faire des peurs avec ça, là. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les réseaux sociaux, c'est le genre de message qui est aussi pas mal véhiculé pour amener les gens à rester dans une certaine peur, quelque part. Exactement. C'est sûr que des fois, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des gens qui veulent s'ouvrir à autre chose, puis là, ils tombent sur des affaires extrêmes, fait que là, ils se mettent à tout rejeter en bloc. Oui. Tu vois, moi personnellement, je ne regarde plus du tout la télé, les informations, enfin bon, tout ce qui peut passer sur les chaînes de télé depuis au moins 2 ans. Et récemment, j'ai eu ma fille qui est venue chez moi pour plusieurs jours, hein, et elle, c'est une consommatrice effrénée de télé. Et donc j'ai eu l'occasion à un moment donné de regarder une chaîne d'information, mais vibratoirement, ça passe plus du tout. J'ai dit à ma fille, mais quand est-ce qu'ils vont parler de quelque chose qui élève l'humain? C'était que des informations négatives, que des propos de cataclysmes, de difficultés de vivre, enfin bon. Que des Non. choses qui vont toujours dans un sens, on va dire, apeurant, négatif, angoissant. Voilà. Oui, exactement. C'est sûr que moi, j'écoute une fois de temps en temps les médias, mais avec le temps, ça a tendance à diminuer. Mais en effet, ça tourne en rond. T'sais, on va nous parler de meurtres qui ont eu cours, de guerres, mais Voilà. il n'y a rien de créatif pour amener des solutions. Ben, c'est très rare, Alors là. qu'il y a on va dire des organismes ou même des êtres humains individuels qui trouvent tous les jours des choses super porteurs pour aider, pour permettre une créativité différente aussi au niveau de la société, pour amener de nouvelles idées, pour développer de nouvelles idées et rarement on parle de ça dans les journaux télévisés, très rarement. Exactement. Ben, c'est comme le supramental. À l'heure actuelle, j'ai jamais vu un média de masse diffuser de l'information en lien avec ça. Non. Donc, tout ça, c'est caché, c'est voilé. Oui. Et c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, je me questionnais sur le phénomène, puis ce que j'avais compris, c'est que il y avait des gens qui ont mentionné que dans le passé, l'être humain, pour survivre, il devait porter attention aux éléments négatifs comme un bruit ou une menace Oui. pour survivre, par exemple, en forêt ou dans le temps des hommes des cavernes. Puis les gens se sont programmés puis codifiés pour tout le temps mettre l'attention sur le négatif pour des raisons de survie puis de programmation historique. Oui. C'est pour ça que les êtres humains ont tendance à porter plus attention au négatif. Puis les gens des médias, s'en étant rendus compte, bien, ils ont mis l'accent là-dessus. Pour avoir l'attention des gens, avoir des codes d'écoute pour par la suite vendre du temps d'antenne à des gens qui font des publicités. Donc, il y a toute une dynamique derrière ça, là. Bien sûr, bien sûr. Mais à l'opposé extrême, il y a aussi le côté pensée positive à tout va, ou surtout, il ne faut pas regarder le négatif, il faut regarder que le Ah positif. oui, ben comme notre premier ministre actuel du Canada, Justin Trudeau, qui a été qualifié de bisounours par Marine Le Pen. Oui. En fait, c'est un juste équilibre. Comme le disait, je ne sais plus dans quelle conférence, Bernard de Montréal, On est agi à la fois par des énergies négatives et des énergies positives, et il faut utiliser les deux. Mais les deux dans une recherche, on va dire, de vase communicant, d'équilibre, de voilà, c'est un peu comme les. Je ne sais pas si tu as connu ça, tu es peut-être plus jeune que moi, remarque. Oui, ben Je sais j'ai 38 ans, là. Oui, tu es plus jeune que moi. Est-ce que je passais, mais... Tu as au moins 20 ans de moins que moi. Bon. Y avait un jeu qui s'appelait le tac-tac, dans lequel on Ah jouait non, à la j'ai pas connu ça. concentration. Ouais, t'as pas connu ça. Non. Donc en fait, c'était deux boules qui étaient maintenues par deux ficelles, et on tenait l'extrémité des ficelles, et on devait faire claquer les boules. Et le jeu, c'était de pouvoir faire des figures, soit faire des cercles avec ces deux boules qui claquent l'une sur l'autre. Et ça me fait penser à ça, concernant une boule qui serait négative et une boule qui serait positive. Et en fait, ben, le tout, c'est de pouvoir agir avec ces deux boules pour en faire une forme qui permette ben, d'aller de l'avant, quoi, de. Oui, ben, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je capte, c'est l'intégration des polarités, d'harmoniser le yin avec le yang. Si on pense Voilà. entre autres à la médecine chinoise traditionnelle, qui va faire des traitements chez les gens pour que les polarités soient équilibrées plutôt que débalancées. Voilà. D'ailleurs, dans un corps physique, il y a les deux polarités. Même au niveau des méridiens énergétiques, on a des méridiens qui sont plutôt chauds, des méridiens qui sont froids. Et en fait, ils ont tous les deux un intérêt à être. C'est comme les polarités, c'est comme les énergies positives ou négatives, elles ont un intérêt à exister ensemble. Mais pour avoir de la lumière, on ne peut pas n'utiliser que, on va dire, un fil électrique moins ou qu'un fil électrique plus. On est obligé de mettre les deux ensemble. Exactement, c'est comme ça prend un homme puis une femme traditionnellement pour donner un enfant. Ouais. Bien Donc, sûr. c'est une intégration des polarités. C'est sûr qu'en lien avec ça, j'aime utiliser l'image des lunettes, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit la vie en rose avec les lunettes roses, il est biaisé. Puis l'autre qui est pessimiste, puis il voit la vie en noir avec des lunettes fumées aussi. Puis ça prend des lunettes qui sont transparentes, comme l'ego qui est appelé à être transparent lorsqu'il intègre les deux polarités. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que l'une des fonctions de l'intégration de l'énergie du supramental, c'est de faire l'équilibre entre l'esprit et la matière et la synthèse des deux. Ça donne l'être humain nouveau, c'est-à-dire un individu à la fois qui est capable d'agir dans la matérialité, puis à la fois doté d'une conscience multidimensionnelle qui lui permet d'interagir simultanément avec des individus, se trouvant sur des plans invisibles. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Oui. Selon toi, est-ce que l'homme nouveau est amené à ne plus vibrer par l'âme, mais vibrer par l'intelligence, ou continuer à vibrer à la fois par l'âme et par l'intelligence? En fait, moi, ce que je capte, c'est que l'être humain nouveau va vibrer de l'esprit âme harmonisé. Donc, autrement dit, il n'y aura plus de distinction entre l'esprit puis l'âme. Ça va être une structure énergétique uniforme qui va être la résultante de l'harmonisation de ces deux composantes qui étaient séparées dans le cadre du processus de l'évolution. Donc ça rejoindrait la vision, on va dire, énergétique un peu de ceux qui utilisent les chakras, par exemple, du corps humain, c'est-à-dire que jusqu'ici on vibrait beaucoup avec les chakras du bas, et maintenant on serait amené à réintégrer ces chakras du bas avec les chakras du haut. Ouais, ben, il y a une harmonisation. Moi, la compréhension que j'ai de l'intégration du supramental, c'est que la personne vit dans sa globalité. Il est une masse d'énergie monolithique, harmonisée, unifiée. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est soumis au chakra, par exemple, du plexus solaire qui vibre émotivement, le chakra sexuel, ou au contraire, il est juste dans la tête, puis c'est le chakra au niveau du front. Non, il est une masse uniformisé d'énergie qui lui donne un ressenti global, puis c'est toujours à partir de sa masse globale qui est le résultat d'une synthèse intégrative de ces énergies qui va procéder. Oui. Fait que ça enlève la polarité, parce que il y a des gens qui se polarisent sur le chakra émotif, sont très émotionnels. Il y en a d'autres qui sont coupés de l'émotionnel, mais ils sont juste dans leur tête, alors que là, c'est une synthèse là, de tous les éléments. Ouais. Oui. Ben oui, en fait, c'est pouvoir utiliser toutes les cordes de notre instrument physique. Exactement, selon la vibration du moment. C'est vraiment ça qui m'a vraiment, capté vibratoirement dans l'enseignement de Bernard, c'est que, et ça fait une grosse différence avec le spirituel, où en fait, dans le spirituel, on avait tendance à complètement élaguer le côté matériel, physique de l'être humain, même de sa situation de vie et tout. Alors qu'en fait, les deux doivent pouvoir cohabiter ensemble, à la fois le matériel, le spirituel, et être intégré dans la vie de tous les jours. Oui, exactement, parce que dans le passé, les voies spirituelles amenaient entre autres à renier le corps, comme les moines qui font de vœux de chasteté, pauvreté, d'obéissance, pour, entre guillemets, s'élever spirituellement. Mais si la personne n'a pas de racines profondes dans la matière, puis elle cherche à fuir la matière sous prétexte d'élévation, ben à ce moment-là, l'intégration se fait pas réellement. Et justement, je fais le parallèle avec le côté financier, l'argent. L'argent qui, au niveau spirituel, est vu un peu comme, même beaucoup, souvent dans les milieux spirituels, comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui est responsable de tous les maux, de toutes les injustices, voilà. Alors qu'en fait, l'argent, c'est qu'une source d'énergie à pouvoir être utilisée intelligemment pour déjà assurer le confort de base du physique, hein, puisque jusqu'ici, l'être humain, il a quand même besoin de manger, d'avoir un toit et de pourvoir à un minimum de confort pour pouvoir survivre déjà au départ. Exact. Et puis ensuite, pour pouvoir vivre, développer tout ce qui est, on va dire, conscience, connaissance de son environnement, connaissance des plans, voilà. Oui, exactement. Tu sais, beaucoup de gens ont connu des déséquilibres parce qu'ils faisaient vœu de pauvreté dans l'espoir de se détacher du côté négatif de l'argent. C'est sûr que si la personne est possédée par l'argent, puis... à ce moment-là, elle cherche à dominer les autres, bien là, elle tombe dans l'excès contraire. Mais si la personne gère son argent en étant en harmonie avec l'esprit, il n'y aura pas de dérapage, puis il n'y aura pas de domination sur autrui possible. Donc, c'est sûr que dans la compréhension que j'ai de la conscience supramentale, l'argent, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend qu'est-ce que tu en fais. Puis, si la personne gère son argent en harmonie avec la globalité de son être, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de dérapage l'ego qui va faire en sorte qu'elle va chercher à exploiter les autres puis à les réduire en état d'esclavage. Mais c'est des sujets intéressants à aborder. Sinon, ce que je voulais savoir, parce que bon, tu écoutais les enregistrements de Bernard, ça a pris un certain temps, tu t'expliquais tantôt, pour en venir à être à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui t'ont amené à avoir des résistances là, par rapport à son matériel? Eh bien, les résistances, c'est l'ego. OK. moi, je le vois comme quelque chose qui résiste pas mal, en tout cas à mon niveau. L'ego qui veut toujours se raccrocher à une certaine forme de reconnaissance, une forme d'appréciation. En fait, l'ego, c'est les formes, c'est toutes les formes. L'ego, il se raccroche aux formes. Et des formes qui donnent la sensation à l'individu d'être d'être quelque chose d'important, quoi. Oui, exactement. Si l'ego, en fait, cherche à se définir à travers la forme comme support identitaire parce qu'il n'assume pas son contact avec l'esprit pour se définir fondamentalement, ben, une personne peut, par exemple, faire des vidéos sur Internet puis dire: Ah, moi j'ai eu 1 000 vues, toi t'en as eu 1 million, toi t'es plus populaire que moi, donc t'es plus important. Ça fait partie des mécanismes de l'ego de se définir, par exemple, par rapport au nombre de vues, nombre d'abonnés, pour se donner une importance ou une autorité. D'ailleurs, dans la société actuelle où tout repose sur l'image quelque part, ça fait aussi le juge, j'allais dire, de l'ego, dans le sens où on s'identifie à ça, on s'identifie à son ego, on s'identifie à l'image qu'on donne à l'extérieur, on s'identifie à ce que les autres voient de nous, alors qu'en fait, non, il n'y a pas d'identification à avoir, il y a seulement, et c'est là la difficulté, parce qu'on n'a pas du tout été éduqué dans ce sens-là. Déjà, on a été éduqué, et l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui est antinomique avec l'humain. L'humain n'a pas à être éduqué. Et malheureusement, tout petit, on commence à nous éduquer, au lieu de commencer, par mais pour ça, il faut bien sûr que les parents aient eux-mêmes cette intégration de conscience, c'est-à-dire permettent à l'enfant d'exploiter tout son potentiel et non pas de l'éduquer à manifester une certaine forme attendue par les parents, par la société, par l'environnement. Exactement, ça va dans le sens que la personne soit accompagnée dans son développement vibratoire plutôt qu'être remplie de forme puis être conditionnée par la société en fonction d'éléments extérieurs à elle qui vont lui être imposés. Exactement. Tu définis exactement ce que je veux dire et tu l'exprimes mieux que moi. Ben attention, je n'ai pas nécessairement cette prétention là, mais Non, non, mais oui. c'est tout à fait ce que je ressens. OK. Quelquefois, j'ai des difficultés à exprimer les choses. Donc, c'est bien, tu rétablis ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est bien. Ah bon, ben tant mieux. C'est sûr que je cherche souvent à travailler en complémentarité avec les gens que j'interviewe, là. Parce que des fois, représenter les mêmes choses dans d'autres mots, ben ça permet aux gens qui écoutent l'enregistrement d'intégrer davantage l'essentiel du message qui est véhiculé, là. Bien sûr. Parce que c'est sûr que pendant qu'on parle, on peut être branché simultanément par rapport au même esprit. Capter vibratoirement la même chose, mais selon le vocabulaire de nos égos, ben, on va pas nécessairement utiliser les mêmes termes pour le verbaliser par la suite. Exactement. D'où l'intérêt de la télépathie. Exactement. Le jour où l'être humain n'aura plus besoin de mots qui déjà limitent la forme et limitent l'idée, la pensée, ça sera vraiment un mieux, quoi. Oui, ben c'est sûr que l'humanité se dirige vers ça, donc au fil du temps. À mesure que la personne développe une conscience vibratoire, qu'elle intègre l'énergie de l'esprit, puis à mesure qu'elle devient à son image avec les mêmes propriétés psychiques. Donc, on se dirige vers la télépathie, la capacité d'interagir avec une personne à distance sans passer par les mots. C'est sûr que ça va être intéressant, surtout dans un contexte de mondialisation, parce qu'à ce moment-là, si par exemple on veut interagir avec une personne qui est en Chine, mais qu'on ne parle pas sa langue du tout, à ce moment-là, au lieu d'apprendre sa langue, puis ça nous prenne plusieurs mois, voire plusieurs années, ben, on communique directement dans son esprit, puis c'est plus économique, c'est plus efficace. Exactement. Mais c'est sûr qu'un phénomène qui peut s'installer lorsqu'on travaille avec la parole en interface, c'est-à-dire que les deux personnes canalisent simultanément l'esprit, c'est qu'une personne peut commencer une phrase, puis l'autre pourrait la continuer si les deux sont vraiment synchronisés psychiquement, puis captent le même filon. Oui, alors j'ai déjà fait cette expérience-là sans faire un exercice particulier, mais avec des personnes où justement on a la même, on va dire, vibration. On peut commencer une phrase ou finir la phrase de l'autre et on est vraiment syntonisé sur la même fréquence, quoi. Exactement. C'est un phénomène de synchronisation psychique. C'est sûr que c'est intéressant à vivre, entre autres au niveau du couple. Ah ben là, c'est le nirvana, là. Ben oui, exactement. Donc, si les partenaires se font mutuellement des massages, ben ils n'ont pas besoin de parler puis ils savent exactement qu'est-ce que l'autre va avoir dans son massage. Exactement. Oui, ça c'est vraiment bien. Le couple, justement, tu parles du couple, ça c'est un sujet qui m'est très cher parce que je pense que dès que je suis arrivée bébé en incarnation sur cette terre, j'ai recherché mon deuxième, mon couple. Ça a été une de mes recherches fondamentales, ça, la relation du couple. OK. Comme quoi, j'ai l'impression que ça fait partie d'une de mes programmations d'âme aussi. De rechercher un partenaire? Ouais. Oui, ça peut faire partie de l'âme, mais lorsque la personne touche à l'esprit, elle réalise que la recherche d'un partenaire dans l'optique d'une complémentarité, elle en a moins besoin parce qu'elle devient complète par elle-même en intégrant le processus de la fusion. Tout à fait. Et d'ailleurs, toute petite, j'avais le sentiment que je devais retrouver un jumeau. Et au fur et à mesure que j'intègre l'instruction de Bernard, je me rends compte que quelque part, ce jumeau, c'était sûrement mon double. Oui, exactement. Plutôt que ce soit une personne du sexe opposé, comme ce qui est véhiculé, entre autres, dans le Nouvel Âge, avec la recherche de l'âme sœur, là. Exactement. C'est comme si on nous prenait pour des hamsters, là. Exactement. Ouais, en réalité, le jumeau, c'est comme le double cosmique. Ouais. C'est intéressant à te reformuler parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, puis on était venu à la conclusion que le couple cosmique réel, c'est tout simplement l'âme harmonisée avec l'esprit. C'est pas un homme avec une femme qui vont partir dans le cosmos sur un nuage de lumière, là. Oui. Ce qui n'empêche pas, après, au niveau de la physicalité, de pouvoir avoir un partenaire, mais qui aurait aussi réintégré en lui cette fusion de l'âme et de l'esprit. Oui, exactement, pour que ça soit un entier, c'est-à-dire un supplément à notre être plutôt qu'un complément. Voilà. Parce que si la personne est complémentaire à nous, puis on a besoin d'elle pour se rééquilibrer, c'est parce qu'à ce moment-là, on n'a pas totalement intégré la dimension esprit de notre être, ce qui fait que ça nous garde dans un état de dépendance par rapport à l'autre. Et malheureusement, c'est ce qui est toujours actuellement sur la majorité des couples sur Terre, c'est que le couple, c'est pour pallier à des manques, des manques individuels. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de couples en souffrance. Oui, exactement. C'est sûr que ça pourrait être un sujet d'un enregistrement au complet là, à apporter exactement. à l'attention des gens là, les problématiques des couples actuels qui sont souvent polarisés. C'est souvent des rapports dominants-dominés. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des gens qui pourraient passer, j'allais dire, une vie, voire plusieurs vies en thérapie pour juste ajuster leur rapport à l'autre. Juste être capable d'écouter l'autre personne puis la respecter dans son être, c'est déjà beaucoup, pour plusieurs personnes. Oui, et puis déjà pour pouvoir le faire, encore faut-il pouvoir soit se respecter et soit se connaître. La difficulté, elle est là. Exact. C'est qu'en fait, dans le couple, on voit en l'autre une part de soi, mais qu'on ne veut pas intégrer en soi. Ce qui fait que si c'est une part qui nous est inconfortable, on va accuser l'autre d'être responsable de cet inconfort, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui nous habite nous, et l'autre n'en est que le miroir. Exactement. Donc, c'est à la personne de réapatrier son matériel psychique, voilà. Au lieu de le projeter sur son environnement, puis assumer sa part d'ombre, entre autres. Et ça part de lumière, en tout cas toutes les polarités imaginables pour que la personne devienne entière. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que les gens y ont des fois à passer à travers des expériences douloureuses de rupture, de séparation, pour s'ajuster plus à l'autre, puis apprendre davantage à respecter. Mais déjà, se rendre compte au niveau du couple, alors là j'en parle par rapport à mon activité d'accompagnement, mais se rendre compte qu'en fait le couple est aussi l'une des premières écoles de relation de soi à soi, et que c'est vraiment une école initiatique quelque part. Et de pouvoir vivre le couple dans cette intégration de grandir ensemble justement par rapport à ce que l'on découvre chez l'autre qui nous appartient aussi et vice-versa, c'est très formateur, je trouve. Oui, certainement, parce que en réalité, dans le rapport à l'autre, ça nous peut nous servir à nous mettre en contact avec une vibration de l'esprit qui cherche à passer à travers nous, mais qu'on ne veut pas entendre. Puis à ce moment-là, l'autre nous sert de messager ou d'intermédiaire ou d'interférence en ce sens. Parce que des fois, ça peut nous dire des choses intérieurement, mais si on fait à sourde oreille, ben ça peut le même message passer par un conjoint ou quelqu'un d'autre auquel on donne de l'importance. Puis on va écouter davantage que soi-même. Et lorsqu'on est capable d'écouter soi-même, l'esprit à ce moment-là n'a plus besoin d'intermédiaires des autres pour nous passer le message, vu qu'on s'y ajuste par captation interne. Mais avant d'en venir là, ben souvent les gens passent par des oppositions de l'environnement, puis le conjoint ou conjointe. C'est sûr que c'est intéressant à aborder aussi le couple vécu au niveau de l'âme versus au niveau de l'esprit, là. Ouais, parce que c'est pas pareil, tu sais, le couple dans l'évolution versus ce qui est appelé à être dans l'évolution, là, c'est très, très, très différent. Bien sûr. Bah déjà, c'est différent parce que c'est pas basé sur les mêmes, on va dire, Les sur mêmes les mêmes. paramètres. Disons que voilà les mêmes fenêtres, mais on va dire que la phase que connaît l'être humain aujourd'hui, c'est basé quand même sur un endoctrinement. Alors que la phase à suivre pour le nouvel homme, c'est plutôt justement se libérer totalement des endoctrinements, des conditionnements pour trouver en soi exactement tout ce qu'on est, quoi, tout ce qui est la réalité, le réel. Exactement. Il faut que la personne sorte de l'influence qu'ont les formes sur elle pour vivre en fonction de sa vibration. Et c'est un défi parce que ça demande de vivre en fonction de son individualité sans avoir de repère dans son environnement, le collectif sur lequel s'appuyer. Je pense que le maître mot, c'est ça, c'est le repère. Le repère qui rassure quelque part. Et l'être humain, le nouvel être humain n'aura plus besoin de réassurance ou d'assurance, puisqu'il sera lui-même le centre de sa propre assurance. Il n'aura plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Oui, exactement. Il ne sera plus satellite des autres, mais il sera à l'image d'un soleil qui va rayonner sa vibration vers son environnement. Il sera l'émission vibratoire d'un savoir qui va pulser en étant en état d'unisson avec son esprit. Ouais. Fait que c'est ça, c'est intéressant de voir vers où on se dirige à travers le processus d'intégration de la fusion, là. Puis c'est sûr que ça va faire en sorte que les rapports vont être plus égalitaires aussi entre l'homme et la femme avec le temps. Mais pour autant, automatiquement, l'obligation est quand même de connaître la réalité des plans qui nous environnent. Il n'y a pas seulement le plan terrestre, visuel, de nos cinq sens humains. Il y a tout le reste, l'invisible et l'astral en l'occurrence, mais aussi d'autres plans qui sont plus élevés que l'astral. Et tant que l'homme sera coupé de ces plans-là, parce que soit il n'en a pas conscience, connaissance, quelque part, ça va être difficile de pouvoir évoluer sans réintégrer tous ces plans-là. Ouais, ben en fait, c'est clair qu'il faut qu'il soit capable de percevoir ces plans-là pour justement être capable d'évoluer, pour s'harmoniser, entre autres, au plan éthérique où se trouve l'esprit, là. Mais il y aura quelque chose qui devra être fait. Il y a quelque chose en fait qui s'opère présentement. Il y a des gens qui vivent le processus individuel, mais au niveau collectif, tôt ou tard, la collectivité sera appelée à reconnaître l'existence de dimensions parallèles à celles physiques, un peu comme on a eu à reconnaître, par exemple, l'existence du fait qu'il existe des ondes invisibles, puis les couleurs infrarouges. C'est pas parce qu'on les voit pas avec les yeux que ces dernières n'existent pas. Donc, ça fera partie des choses, pardon, qui seront reconnues avec le temps. Au même titre qu'aujourd'hui, on utilise des téléphones cellulaires qui vont véhiculer de l'information sans qu'il y ait des fils qui soient connectés entre eux. Donc, c'est invisible. Il y a une émission, puis c'est reconnu par les gens. Alors, si on peut capter des émissions d'ondes cellulaires, alors à ce moment-là, on peut capter aussi des émissions de pensée qui proviennent d'autres êtres dans l'invisible. Le parallèle est là. Tout à fait. Par contre, après, la difficulté, c'est de toujours rester maître de ce non influençable, voilà. De rester non influençable par rapport à ce qu'on peut capter d'autres plans, des plans de l'invisible. Et la difficulté, c'est que l'être humain a toujours été quelque part sous-évalué, dévalorisé, déjà par le conditionnement judéo-chrétien, par les religions. On n'a pas habitué, on nous a pas habitué à être maître de nous-mêmes. Hein. Il fallait toujours se considérer plus petit que quelque chose de plus grand qui se trouve à l'extérieur de nous, qui est là pour veiller sur nous, qui est là pour nous guider. Donc Exactement, c'est souvent. Ouais. y a aussi tout ce cheminement à refaire à l'envers quelque part. Oui, exactement. L'être humain doit se réapproprier son Oui. pouvoir personnel pour monter en puissance et sortir de l'état d'infantilisation psychique qu'il a pu connaître par rapport à son environnement, où on nous a amené à être soumis à des autorités de religieux, à des maîtres, à des gourous, des gens qui canalisent les anges ou les extraterrestres. Donc, souvent, l'être humain a été soumis à des autorités extérieures à lui, mais éventuellement, il devra accepter de rentrer dans son autorité, puis d'être capable de s'ajuster à l'intelligence de son esprit pour vivre en fonction de son savoir plutôt que justement d'être soumis à des gens de l'environnement, puis être tout le temps conditionné, puis soumis à des formes. Et quelque part, est-ce que c'est vraiment, ça sera vraiment lié à une acceptation? Ou est-ce que vibratoirement, pour la majorité des gens qui vont vers cette évolution, ça va peut-être se faire dans l'instantané par rapport à ce qui se passe au niveau cosmique aussi? Bien, en fait, ce que je capte en lien avec la question que tu viens d'émettre, c'est que c'est du cas par cas. Tout est reçu selon la forme du récipient puis les paramètres. Donc, il y a des gens présentement qui sont déjà préformatés pour intégrer davantage la nouvelle conscience que d'autres, mais c'est sûr qu'à mesure que nous allons avancer dans le temps, puis à mesure que ça va devenir fa facile de l'intégrer, étant donné qu'il va y avoir des modèles de référence plus grands, plus de. Tu sais, autrefois, il y avait Bernard de Montréal, puis après ça, il y a d'autres personnes qui se sont mis à parler, puis ils vont en avoir d'autres, vont en avoir d'autres. Donc, il va y avoir un phénomène exponentiel d'individus qui vont véhiculer cette vibration qui va faire en sorte que l'égrégore supramental va davantage s'installer sur Terre, puis il va devenir de plus en plus facile d'y accéder au même titre qu'aujourd'hui, il est plus facile d'accéder à un ordinateur. Les ordinateurs aujourd'hui se vendent à des montants d'argent qui sont accessibles pour beaucoup de personnes, alors qu'autrefois, les premiers ordinateurs, c'était quelque chose de difficile à se procurer, ça coûtait très cher, il fallait avoir des compétences, des formations, donc c'était très élitiste, alors qu'aujourd'hui, l'accès à l'informatique s'est démocratisé, puis l'accès à la conscience supramentale est appelé à se démocratiser dans le temps aussi. Oui, tout à fait. Avec le risque quand même que le supramental devienne une nouvelle religion. Oui, exactement, parce que tout est reçu sur la forme du récipient, comme mentionné précédemment. Donc, les gens qui autrefois vénéraient Jésus-Christ peuvent aujourd'hui vénérer Bernard de Montréal. Oui, Donc, c'est en fait, l'anecdote, c'était Jésus de Nazareth, Puis là, c'est Bernard de Montréal, donc on change de ville puis d'époque. Mais c'est que les gens peuvent spiritualiser le supramental pendant un certain temps, mais s'ils sont en contact avec la vibration va quand même faire un chemin en eux, parce que la vibration, son contact, amène un phénomène d'activation énergétique au sein de l'individu qui en est réceptif, là. Donc, la vibration peut travailler la personne. C'est sûr que, bon, au début, la personne peut intellectualiser puis reprendre les mêmes schémas qu'elle avait dans le rapport à la religion pour transférer ça sur Bernard. Mais tôt ou tard, plus que la personne s'ouvre réellement à l'instruction, puis plus qu'elle va redéfinir son rapport à l'égard de la religion, puis à l'égard des maîtres, puis elle va comprendre l'essentiel du message qui était véhiculé, là. Mais c'est sûr que comme le semblable n'est connu que par le semblable, ben pour qu'une personne puisse comprendre un initié à 100%, ben il faut qu'elle ait intégré simultanément le même niveau de conscience vibratoire de type initiatique. Donc, tant que la personne n'est pas à un taux vibratoire égal ou supérieur à celui qui a émis, par exemple, une parole, ben, elle ne peut pas la saisir totalement. C'est sûr. Fait que naturellement, il va y avoir de la déformation. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'intégration, mais avec le temps, les siècles, les millénaires, les choses vont s'ajuster. Donc, c'est la façon que je comprends le processus, mais c'est sûr qu'entre autres, aujourd'hui, avec Internet, chose qu'il n'y avait pas dans les années 80 et 90, alors que Bernard de Montréal faisait des conférences ici au Québec ou Daniel Kemp, ben, on a les outils aujourd'hui pour amener une diffusion d'une instruction à l'échelle internationale. Donc, ben d'ailleurs, j'imagine que toi, tu as connu, ben tu l'as mentionné tantôt, le matériel de Bernard par Internet. Donc, puis il y en a beaucoup aujourd'hui, des gens avec qui j'entre en communication, entre autres sur Facebook, c'est le cas. Donc, c'est sûr que les médias sociaux, comme Facebook et des sites comme YouTube vont participer à une diffusion Bien sûr. exponentielle de tout ça, là. La technologie a sa place aussi, hein. Oui, exactement. Le tout, c'est ne pas en faire une déification et puis voilà, elle doit pas supplanter, elle ne doit pas supplanter l'être humain, mais l'accompagner, Exact. à l'aider à justement réfléchir, à se poser des questions, à aller à l'information, à user de discernement. À sortir aussi de la réflexion. Aussi. Ça peut l'aider à réfléchir, puis ça peut l'aider à sortir de la réflexion aussi. Par exemple, quelqu'un voit un enregistrement de personne qui canalise, puis ça la met en vibration elle-même pour canaliser ou amener des choses nouvelles dans cette vibe-là. Donc, c'est sûr, c'est intéressant d'aborder ces choses-là. Et puis, lorsque tu écoutes les enregistrements de Bernard de Montréal, est-ce que pour toi, par rapport au vocabulaire utilisé, ça va bien pour le comprendre ou il y a des expressions des fois québécoises que tu as plus de difficultés à saisir? Bah, plus j'écoute, mieux je comprends. OK. Et même ce qui est marrant, c'est que j'ai chez moi édité, enfin édité, oui, j'ai fait des copies de La Genèse du réel qu'on ne trouve plus en édition, puisqu'il est introuvable, il n'est pas réédité. Donc j'ai réussi à le télécharger et je l'ai fait photocopier chez un imprimeur. Et maintenant, quand je lis l'ouvrage, j'ai l'accent québécois de Bernard dans les oreilles. C'est phénoménal, quoi. Ben, c'est intéressant parce que c'est sûr que quand on écoute beaucoup de ces enregistrements audio, puis on lit, là, on a justement, on a sa tête, puis on connaît un peu la tonalité qu'il va avoir, là. Exactement. Mais même concernant l'accent québécois que tu as aussi, de plus en plus, j'ai l'impression que je pourrais même le parler, quoi. Voilà, c'est au fur et à mesure d'entendre une certaine langue, un parler, un vocabulaire, ça devient presque naturel, quoi. Oui, exactement. On devient imprégné de cette vibration-là. Sinon, j'étais curieux de savoir, ça fait combien de temps que tu as commencé à écouter mes enregistrements? Ah ben, il y a très peu de temps. OK. Très peu. Oui. Mais moi, quand je suis intéressée par quelque chose, j'y vais à fond. Donc, comme je te disais, en l'espace de, on va dire, 15 jours, j'ai déjà vu plusieurs de tes enregistrements, quoi. J'en ai déjà écouté pour pas mal. OK. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a pour des heures de plaisir, parce que j'en ai fait au-dessus de 300. J'ai vu, oui, effectivement, il y a de quoi faire. Donc, entre toi, entre Bernard, entre d'autres. Y a aussi Berthold. Oui, j'ai écouté aussi, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui, présentement, là, on parle de conscience. Ce qui fait en sorte que j'imagine qu'éventuellement, il y aura des gens qui en parleront en anglais, ensuite en espagnol, dans les autres langues là, avec le temps, là. Bien sûr. Mais même, par exemple, jusqu'ici, le travail de Bernard de Montréal, là, qui a été repris par le groupe, comment s'appelle, Diffusion, là, qui font des sous-titrages en français des vidéos de Bernard, ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'elles soient faites en d'autres langues, en sous-titrage. Oui, exactement, là, que le groupe BDM s'occupe de ça, ça Voilà. pourrait être pertinent, là, le groupe de Mais je diffusion pense que c'est BDM, des oui. trucs qui peuvent se faire rapidement, en tout cas. Hein. C'est des choses. Voilà. Mais je n'ai pas écouté les sous-titrages en français, parce que je serais curieux, tu sais. On voit, mettons, Bernard qui dit « Ah, oh, c'est-tu de Caroline de tabarnak? » Puis en français, Ouais, c'est ouais. « Putain, bordel de merde! Non, mais les sous-titrages, il » faut C'est pas laisser ça? quand même l'expression. Hein. OK. Elle est très belle. Oh ben, calisse! Il va-tu, ça va-tu Pas la rester comme traduire ça? ou alors mettre en dessous un petit glossaire avec toutes les traductions quoi. Ouais. Moi, c'est sûr que, dans le fond, j'aime le côté coloré du vocabulaire québécois, là. Comme par exemple, quand quelqu'un est en colère ici, on va dire quelqu'un il est en crisse. Ah mais ça y est, c'est ça fait partie de mon vocabulaire ça maintenant. Je OK. dis ça. Fait que moi, ce que j'ai à te dire, c'est que là, je suis en crise, là, c'est-à-dire que je développe ma conscience christique. Ah, d'accord. Ben, c'est une façon de parler, là. C'est-à-dire que pour que le Christ se manifeste en vous, la Ouais. conscience supramentale, ben, il faut que vous soyez en crise, en colère, en contestation. Ouais. Alors, j'ai écouté là récemment ce matin la vidéo de Bernard concernant, comment il appelle ça, le fait de se, c'est pas se mettre en colère, de se, con, comment il dit? Ah. Je vais te retrouver ça. Ça. Donc, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, C'est une oui. expression qui n'a pas trouvé de traduction française. Se contraindre, non, c'est pas se contraindre, c'est-à-dire manifester son état de mécontentement. Il y a une vidéo d'une conférence où Bernard parle de ça et il donne l'exemple justement. De sa femme qui avait replacé dans un magasin une vendeuse parce que justement elle l'avait pas trouvée alignée dans ce qu'elle avait fait. Et donc il a employé un vocabulaire qui voulait dire bah, quelque part s'affirmer dans son individualité, mais il a employé un mot qui est intraduisible Ben, en peut-être que je traduction. peux t'aider étant québécois. J'arrive plus à retrouver la vidéo. OK. Je crois que c'est dans celle volonté subjective et réelle. Je OK. suis pas sûre que ce soit celle-là. Comme j'en écoute beaucoup par jour. Mais, Mais en tout cas, oui. il parlait de ça, cette façon justement de se montrer peut-être dans la réalité actuelle un peu trop égocentrique, mais en fait non, c'est rester entier dans ce qu'on vibre. Et le manifester par la parole à la personne avec qui on est en relation. Donc c'est vrai que le politiquement correct n'a plus sa place dans ce genre de manifestation. Oui, exactement, parce que la personne ne cherche pas à plaire à l'autre pour des désirs de Voilà. complaisance, puis faire plaisir C'est à ça. son âme, puis bien paraître. Elle cherche Voilà. plutôt à être réelle, puis c'est sûr qu'être réelle, des fois, ça peut être très tranchant. Exactement. Et là, les. les exemples qu'il a donnés, c'était vraiment tranchant. Ouais, exactement. Des fois, c'est humoristique de l'écouter, là. Ah, Parce exactement. que, à quelque part, pour passer à la conscience, là, faut que vous ayez des couilles de bronze. Oui. Mais justement, l'intérêt de l'écouter avec ce vocabulaire, c'est que ce vocabulaire rayonne aussi une vibration spécifique. Donc changer ce vocabulaire pour donner autre chose, ça perd du rayonnement de l'enseignement, je trouve. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de voir si le sous-titrage des enregistrements de Bernard, c'est qu'il employait les jurons québécois pour les mettre en jurons français, là. Parce que je voulais faire référence tantôt, là. C'est sûr que ça pourrait être drôle. Mais je trouve que le vocabulaire québécois, en termes de jurons, associé au terme de la religion, est plus tranchant que le Oui. vocabulaire français. Oui. Bah parce qu'en France, on est encore cul et chemise avec la religion. Ah? Ah oui. Dans l'inconscient collectif, la religion a encore une place énorme, énorme en France. Nous autres, ça en prend moins depuis la période de la Révolution tranquille, donc les années 60, 70. Il y a un détachement de l'influence du clergé et les églises se sont vidées. Présentement, il y a beaucoup d'églises qui ont été désertées. Ils ont été convertis en résidences de personnes âgées dans certains cas. Ça peut être des salles de spectacle ou autres. Oui. En France aussi, il y a beaucoup de biens du clergé, on va dire, qui ont été vendus à des individus, oui, à des particuliers. Il y a aussi beaucoup une désaffectation des rituels catholiques à vivre dans les églises, par les messes et tout ça. Mais pour autant, dans l'inconscient collectif, il y a toujours cette morale judéo-chrétienne qui est quand même très forte, je trouve, en France. Ben, le Québec est encore teinté de la morale judéo-chrétienne, dans le sens que s'il y a un nouveau pape qui est élu, on va en parler dans les médias québécois. Donc, ce genre de choses-là. Les événements aussi en lien avec le Vatican ou l'archevêché au Québec, ces choses-là. Une fois de temps en temps, on en parle dans les bulletins de nouvelles. Mais la pratique religieuse, c'est-à-dire que les gens qui vont à messe tous les dimanches, ont beaucoup baissé. Ah oui, en France aussi, hein, ça c'est sûr. Okay. Mais l'égrégore est toujours là. Même Exactement. pour des gens qui sont pas pratiquants, pour des gens qui se disent même athées, c'est, enfin, je sais pas, moi je le ressens quand même, c'est. Voilà, cellulairement, tout le monde porte encore en mémoire tout ce qui a été véhiculé par la religion, quoi. Exactement, parce que quelqu'un peut sortir de l'Église en arrêtant de pratiquer et d'aller à la messe tous les dimanches, mais ça se peut que l'Église n'ait pas sorti de lui. Oui, tout à fait. Donc, Ne c'est... serait-ce que, excuse-moi, je te Voilà, coupe. vas-y. Ne serait-ce que tout ce dont je parlais tout à l'heure concernant le transgénérationnel, c'est-à-dire que l'individu porte en lui les mémoires de ses ancêtres. Et les ancêtres, plus on remonte dans le temps, plus l'égrégore religieux était aussi très important. Et dans l'inconscient de l'individu existe toujours ses pensées, ses croyances, même s'il a l'impression de s'en être libéré. Elles vont quand même continuer à manipuler certaines de ses pensées, certaines de ses croyances, certaines de ses attitudes. Et c'est Exactement. inconscient. Exactement. Sinon, par rapport à la consultation que tu fais, j'étais curieux de savoir si tu avais intégré des choses particulières en lien avec la conscience supramentale. Non. Non, parce que. En fait, depuis que je fais ce travail avec le supramental, je n'ai plus de séance d'accompagnement. C'est comme si ça avait, comment dire, balayé un peu la forme dans laquelle je pratiquais avant. Et là, je suis, comment dire, dans une zone de transit. Alors, je ne sais pas si c'est une zone de transit pour passer à toute autre chose ou pour continuer dans la forme de l'accompagnement, mais avec ma conscience d'aujourd'hui. Je ne sais pas. OK. Parce qu'il y a des gens qui ont connu des changements. Si je pense entre autres à Daniel Ménard, qui lui faisait de la Oui. consultation en lien avec l'astrologie. Oui. Puis avec le temps, il est venu à donner du coaching en lien avec le supramental et son intégration. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec Daniel, il y a beaucoup de choses qui parlent quand je l'écoute, hein. Et c'était aussi une personne qui était très, très férue de psychologie, de compréhension du psychique. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit. Ouais, ben moi aussi, je trouvais que c'était intéressant ce que développer là, en termes de consultation pour que les gens puissent connaître un accompagnement pour une Oui. intégration de cette conscience-là dans la vie de tous les jours. Parce que Voilà. Bernard a Et dé ça, c'est oui. ça, parce que Bernard a descendu les principes Voilà. de Mais après, base. faut les actualiser dans la vie de tous les jours. Faut les C'est intégrer dans ça. la vie de tous les jours. C'est ça exactement, parce que sans ça, ça reste théorique. Bien sûr. Puis la personne n'améliore pas concrètement son sort en lien avec ça. Mais ça, c'est en train de, comment dire, de cheminer là, tout doucement. Je pense qu'à un moment donné, je vais y voir plus clair. Oui, mais peut-être que tu vis une forme d'incubation de Oui. l'énergie du supramental qui te travaille. Puis éventuellement, peut-être que ça a amené une mutation de la nature. De l'accompagnement que tu peux donner avec les gens si tu as la vibration de reprendre l'accompagnement. Ouais. Oui, je pense que c'est exactement ça, oui. C'est sûr que c'est quand même intéressant. Sinon, suite au fait que tu as arrêté ton travail dans la fonction publique, est-ce que par la suite tu as été en mesure de vivre décemment en faisant des consultations? Non. OK. Non. Et ça fait partie d'une de mes programmations, ça aussi, et ça fait partie de mon travail aussi personnel de conscientisation et d'intégration de mes propres zones d'ombre, on va dire. C'est sûr que j'apprécie ta franchise, parce que c'est pas évident de quitter, par exemple, une certaine sécurité, puis après ça, il n'y a pas de garantie que ça va nécessairement fonctionner. Mais c'est Ouais. sûr que, dans le fond, faire un saut comme ça, c'est pas évident. Par contre, j'imagine que faire de la consultation, ça t'a amené quand même à faire des prises de conscience, puis à évoluer sur le plan personnel. Tout à fait, ça c'est indéniable. Oui. Donc, ça l'a au moins servi à ça. Mais c'est sûr que pour ce qui est du supramental, ça prend des gens qui ont la sensibilité de le percevoir pour puis l'apprécier, pour, par exemple, apprécier une consultation éventuellement en coaching supramental. Donc, Exactement. En fait, pas forcément amener le supramental dans la consultation, mais la personne qui accompagne et qui a cette intégration du supramental va accompagner la personne avec une conscience différente et peut-être plus alignée dans cette vibration du supramental sans pour autant l'exprimer. oui, exactement, ça peut se faire En fait, la de manière personne ne saura implicite. pas du tout que le coach, celui qu'il coach, est dans cette conscience supramentale, mais pour autant, elle en aura quand même les bénéfices. Exactement, la façon que je le captais, c'est que implicitement, la vibration va passer par l'individu sans extérioriser des termes techniques ou des formes en termes de mots associés à la conscience supramentale. Exactement, exactement. Donc, c'est sûr qu'implicitement, la vibration de la personne passe. Donc, qu'elle utilise le vocabulaire ou non, si la personne est en rayonnement énergétique, l'autre elle va réagir en lien avec ça c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Sinon, toi, comment tu vois l'avenir du domaine de la consultation dans le domaine de la relation d'aide? Alors, consultation par rapport à une activité professionnelle ou... Bon, ça peut être par rapport à différentes problématiques, là. Ça peut être au niveau du coaching, de la psychologie. En fait, si je me réfère à l'accompagnement que j'ai pu faire de nombreuses personnes quand même depuis toutes ces années, je m'aperçois en ce moment, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais en France, de plus en plus de personnes, comme elles vont mal et qu'elles ont connaissance d'informations qu'elles n'avaient pas il y a une génération de ça, elles sont de plus en plus intéressées à trouver un mieux-être. Donc, elles vont s'engouffrer plus facilement maintenant dans tout ce qui est accompagnement, soins naturels, coaching, soins énergétiques, mais peu vont le faire avec le désir conscient de prendre à bras le corps leur guérison. En fait, pour l'instant, ce que je sens, c'est qu'il y en a quand même une grande majorité qui vont voir des personnes, que ce soit thérapeute ou autre, hein, pour trouver une solution à l'extérieur. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont quand même faire un chemin personnel pour aller dans un mieux-être. Hein. Mais parce que je vois autour de chez moi, en tout cas, c'est beaucoup de gens qui veulent trouver des bulles de bien-être. Hein. Où elles vont se faire masser, où elles vont recevoir de l'hypnose, où elles vont se faire du bien. Mais voilà, après au niveau de la conscience, au niveau du travail personnel, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui sont dans l'envie vraiment, parce que c'est inconfortable. Et ça, je le sais bien, quand on travaille sur soi, c'est inconfortable parce qu'automatiquement... On va soulever des choses qu'on n'avait pas soulevées jusqu'ici pour se protéger émotionnellement, pour ne pas revivre des situations qui ont été souffrantes, voilà. Et alors, pour répondre à ta question, je dirais que peut-être que c'est l'étape nécessaire que les gens, pour le moment, vont en majorité chercher des personnes qui vont leur faire du bien. Sans qu'elles prennent part entièrement à leur propre bien-être. Peut-être que c'est la phase transitoire qui va être nécessaire. Oui, ben en lien avec ce que tu me dis, ce qui me vient en tête, c'est que les gens sont en mode un peu plus ouverture, dans le sens que autrefois les gens consultaient juste des médecins, aujourd'hui ils consultent des gens dans les médecines parallèles, des gens qui font des traitements énergétiques. Donc, il y a une ouverture qui se fait Exactement. vers l'invisible. Mais en effet, comme tu le dis, il n'y a pas présentement beaucoup de personnes qui cherchent à s'impliquer personnellement dans un processus. De conscientisation, là, ça c'est clair, là. Exactement, Parce que le oui. chemin est ardu, tu sais, à regarder ses peurs, puis Exactement. confronter ses peurs, puis aller au-delà de ça, ça demande de la volonté, ça demande de faire des efforts. Oui. Donc, c'est pas un chemin agréable. Donc, c'est sûr que souvent les gens veulent l'avoir tout de suite, surtout on est dans une époque où tout est rapide, les informations se véhiculent rapidement sur les médias sociaux. Fait que les gens veulent la solution miracle, mais dans certains cas, ils veulent pas investir le temps, l'énergie pour modifier les choses en profondeur puis s'attaquer aux causes fondamentales plutôt que juste agir sur les symptômes, là. Ouais. Par exemple, pour te donner une idée, autour de chez moi, là, dans la ville où j'habite, il y a de plus en plus de pôles de bien-être qui s'ouvrent avec des thérapeutes différents qui vont travailler dans le même endroit. Donc, on va trouver un masseur, on va trouver un hypnotiseur, on va trouver une personne qui fait des soins énergétiques, une personne qui va faire des soins avec les sons, avec les gongs, avec voilà. Donc, effectivement, ça permet une ouverture à d'autres types d'accompagnement que le médecin traditionnel, voilà. ou le psychologue traditionnel, mais c'est un nouveau type de consommation. Exact. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils s'engouffrent là-dedans comme avant, ils s'engouffraient, je ne sais pas moi, dans un restaurant pour manger quelque chose qui va leur faire du bien. Maintenant, ils s'engouffrent dans beaucoup de nouveautés parce que voilà, ils ont le désir de découvrir autre chose, mais pour l'instant, ça reste de la consommation, c'est-à-dire, oh ben, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça en énergétique, j'ai découvert que voilà, voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, par chez moi. Bien, c'est partagé aussi. Et puis moi, étant au Québec, j'observe le même phénomène. On a des centres multiservices qui se développent ou de différentes disciplines, là. Ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui pratique l'hypnose. Donc, il y a des sciences officielles, puis il y en a d'autres un peu parallèles, comme quelqu'un qui fait un traitement énergétique. Mais ce qui arrive, c'est que ça demeure chez beaucoup de personnes, de ce que j'observe, là, c'est plus une curiosité, une consommation, surtout pour le paranormal, etc. Puis les gens qui s'investissent réellement là, dans un cheminement, activement, là, c'est-à-dire de vibrer puis d'agir, comme l'enseignait Daniel Ménard, là, c'est-à-dire suivre la vibration dans la vie de tous les jours, c'est très rare. Mais tu vois, j'ai envie de poursuivre en disant que est-ce que ça vient pas aussi des personnes qui proposent ce genre de séance? Si ces mêmes personnes-là sont dans une activité d'accompagnement sans cheminer elles-mêmes profondément dans leurs problématiques, elles vont attirer à elles des personnes qui vont faire du zapping aussi entre différentes formes d'accompagnement, de nouvelles choses là qui maintenant commencent à émerger un peu partout. Oui. Alors, peut-être que justement, lorsque l'accompagnant, celui qui fait du coaching, va le faire avec une nouvelle vibration, avec déjà un terrain qu'il a labouré chez lui, ça va permettre à la personne qui le reçoit ben, de labourer aussi chez elle. Donc c'est dans les deux sens. Moi, j'ai l'impression que ça marche comme ça. De toute façon, Oui. les thérapeutes ou les personnes qui sont dans l'accompagnement d'autres personnes, elles vont avoir une clientèle en correspondance avec ce qu'elles vibrent elles-mêmes. Donc Exact. peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, pour des problèmes économiques, perdent leur emploi, se retrouvent au chômage, doivent à tout prix ben, financièrement aussi pouvoir retrouver une activité. On relance en France beaucoup les formations professionnelles pour essayer de caser un maximum de chômeurs. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui vont s'engouffrer dans ce nouveau marché. D'auto-entrepreneurs qui vont s'installer pour accompagner d'autres personnes sur différentes thématiques par différents outils. Mais est-ce qu'au fond d'elles-mêmes, ces personnes-là vibrent vraiment ce qu'elles proposent? Voilà. Exactement, parce que dans certains cas, ça peut être plus superficiel. C'est sûr Voilà. que si la personne n'a pas développé une conscience qui est au-delà de la forme, elle ne peut pas accompagner une personne dans un cadre thérapeutique pour capter la vibration derrière la forme. C'est impossible. Donc, c'est ça qui limite beaucoup de thérapeutes ou d'accompagnateurs. C'est-à-dire que s'ils sont juste au niveau de la forme, ben, ils transmettent des concepts puis des idées. Voilà. Mais le changement fondamental pour aller au-delà de toucher un symptôme, ben, c'est s'attaquer à la cause, puis la cause est tout le temps vibratoire, fondamentalement en lien avec un malaise. Donc, on peut amener, par exemple, oui, vas-y. Non, mais je pense que ça peut être la phase de transition pour autant. Oui, certainement, puis ça a son utilité, puis c'est intéressant de voir des gens qui s'ouvrent à d'autres choses, puis tu sais, on a des reconnaissances aujourd'hui officielles. Des bienfaits, par exemple, de la méditation. Il y a des scientifiques, je pense entre autres à Mathieu Ricard, qui fait un beau travail pour qu'il y ait de la documentation sur l'impact du cerveau, puis les différentes zones du cerveau activées lorsqu'une personne médite, puis pour voir que ce n'est pas juste de l'effet placebo, mais qu'il y a une réalité derrière ça. Ben, c'est formidable. Par contre, éventuellement, il faut aller plus loin, puis sortir de la technique de méditation. Pour que la personne touche à une vibration, puis elle connaisse une autorégulation vibratoire. Mais en attendant la technique, c'est intéressant. T'sais, ça se rajoute au coffre d'outils de l'individu. C'est pas mauvais en soi. Sauf que le point qui m'intéresse là-dedans, c'est de réaliser que quelque part, ça va venir avec le temps. Puis c'est sûr qu'il y a aussi des thérapies qui deviennent de plus en plus raffinées avec le temps, plus subtiles. Ça va se peaufiner avec le temps. C'est ce que je capte, moi. Voilà, oui, bah, je te rejoins là-dessus, hein, en fait. Exactement. Fait que c'est sûr que de toucher à cette conscience-là supramentale à l'époque présente, ça nous met dans des positions de précurseurs. Voilà, exactement. Donc, ça nous met aussi dans une position de marginalité, dans le sens que c'est pas partagé par le collectif présentement. Oui. Mais on Mais, voit bien, de toute oui. façon, il y a quand même certaines activités dans le bien-être qui se sont beaucoup développées maintenant et qu'on ne regarde plus comme quelque chose d'étrange, de voilà, en l'espace de 10-15 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé par rapport à la connaissance de ces nouvelles formes d'accompagnement dans le bien-être, dans le mieux-être. Donc on s'aperçoit bien que ça bouge quand même. Oui, exactement. Il y a une transition. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens allaient consulter le prêtre pour leur dire quoi faire. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est des gens dans le nouvel âge. Ils ont délaissé la religion dans certains cas pour aller vers des choses plus de croissance personnelle. Donc, c'est ça, il y a une transition. Si je pense entre autres au Québec, il y a des salons de croissance personnelle, que ce soit la ville de Lévis. À Montréal, il y a différentes villes au Québec aussi, puis il y en a de plus en plus, alors qu'il y a quelques décennies, ça n'existait pas, ça. Bien sûr. Non, mais en France, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de salons de bien-être, salons zen et compagnie, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup aussi de salons plus petits qui se font dans des petites communes, qui vont rassembler plusieurs intervenants de pratiques énergétiques ou autres. Donc ça, effectivement, il y a ne serait-ce que 10-15 ans, on ne le voyait pas trop, ça. Exactement. Donc, c'est en émergence. Donc, c'est sûr que moi, la façon que je le capte, c'est qu'avant que les gens s'ouvrent au supramental, ils vont davantage s'ouvrir à la haute astralité qui sert de transition. Parce que c'est sûr que de passer au courant supramental, tu sais, quelqu'un qui est très matérialiste, passer de ça du jour au lendemain, c'est intense comme intégration. Fait que peut-être y aller en douceur. Après, il va connaître le gros choc comme Bernard. Ben, c'est parce que ça prend le corps énergétique pour contenir cette énergie-là. Parce que Mais oui. s'il y a beaucoup d'énergie qui descend, puis la personne n'a pas une capacité d'absorption proportionnelle, ben, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se ramasser en psychiatrie, puis elle va développer des problèmes de santé mentale qui vont faire qu'elle va devenir complètement dysfonctionnelle, là. Oui. Fait que tout est reçu selon la forme du récipient, mais c'est que le récipient, il faut qu'il se constitue à partir de l'intégration des chocs énergétiques du quotidien pour que la personne se renforcisse, qu'elle soit enracinée dans la matière, qu'elle développe de la volonté. Oui. C'est sûr que pour en revenir à la question de l'ego, pour intégrer le supramental, ça prend un ego qui est fort, dans le sens qui est sain, pas un ego qui domine les autres, mais un ego qui est transparent. Et c'est pas en lien que les philosophies orientales qui disent que l'ego, c'est pas beau, c'est pas fin, puis il faut en venir à l'extinction de l'ego pour se soumettre au collectif. Non, ça prend une individualité qui est forte, mais en harmonie avec la conscience universelle. Oui. Donc, c'est sûr que c'est particulier, parce que l'ego, il ne faut pas le rejeter, il faut l'intégrer. Et ce message-là, c'est pas évident justement à intégrer pour plusieurs personnes là, qui touchent aux philosophies orientales ou au Nouvel Âge, là. Ouais, tout à fait. Donc, Il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à l'ego, de conditionnement aussi à croire que l'ego fallait surtout pas le mettre en avant, fallait s'en défaire complètement. Alors qu'en fait, l'ego, c'est, enfin, pour moi, c'est une forme. L'ego, c'est une forme obligatoire pour être dans l'incarnation. exactement. C'est une nécessité. L'incarnation Oui. humaine, je parle. Parce que les animaux n'ont pas forcément d'ego, je pense pas. Mais par contre, l'être humain. Ben, c'est une nécessité pour développer une conscience individualisée sur le plan matériel. Voilà. Les Exact. animaux ont une conscience de groupe, d'âme de groupe, hein, C'est donc c'est ça. différent. C'est ça. Fait qu'ils n'ont pas développé un jeu comme nous autres. Ouais, Mais c'est ouais. sûr que la difficulté puis la subtilité, c'est que le jeu doit être en harmonie avec l'esprit. Parce que sans ça, il est dans un mouvement d'orgueil. Si le jeu se surévalue par rapport à sa valeur réelle, bien, il est déséquilibré, puis sous-évalue aussi. Fait que ça prend une justesse, une juste évaluation de soi-même, qui ne soit pas issue d'une réflexion, mais plutôt d'une canalisation de l'esprit. Oui. Donc, c'est sûr que l'ego, on pourrait faire un enregistrement 3 heures là-dessus. Là, c'est un sujet intéressant à explorer. Mais étant donné que le temps file et ça fait près de 2 heures qu'on discute ensemble, j'aimerais bien. Oui? Je n'ai pas vu le temps passer. Ah, OK. Ben, moi non plus, dans le sens que je trouve ça intéressant. Mais j'aimerais quand même conclure avec toi, Marielle, l'enregistrement. Oui. Donc, je voulais savoir si il y avait quelque chose que tu avais envie de rajouter avant que on mette fin à la discussion. De rajouter, bah, j'ai envie de finir par une note d'humour, hein. Ben oui. À dire que. Les crises sont nécessaires. Sans crise, on n'arrive pas à éveiller la conscience et à s'ouvrir au supramental et à s'ouvrir au nouveau, en fait. Voilà. Ça fait penser à l'anecdote humoristique qu'avait conté le philosophe jovialiste André Moreau. Oui. C'est une figure qui a une certaine popularité au Québec là, dans les années 80 et 90. Donc, lui, il avait rencontré un religieux haut placé et il avait posé, il avait dit, le problème avec la religion, c'est qu'il y a trop de croyants puis il n'y a pas assez de Christ. Puis l'autre, le religieux, il était totalement désarçonné, il savait pas trop comment réagir, puis Oui. c'était drôle comme anecdote parce que son propos est à l'effet qu'il y a trop de gens qui sont des suiveux, Ben voilà. donc qui sont soumis à l'autorité religieuse, puis il n'y en a pas assez qui rayonnent leur Christ Voilà. intérieur et qui ont intégré et manifesté dans leur vie de tous les jours une conscience christique. Tout à Donc, fait. c'est sûr qu'éventuellement, il y aura une mutation qui s'opérera au sein des gens pour qu'ils deviennent, dans leur vie de tous les jours, des Christs de lumière qui rayonneront du soleil de l'intériorité de leur être par la puissance vibratoire qu'ils portent en eux. Mais encore faut-il assumer sa puissance. Il faut Voilà. sortir de la mentalité de troupeau, il faut arrêter d'être des moutons, il faut assumer le fait que lorsqu'on est en contact avec l'esprit, on peut devenir à l'image d'un lion. Mais déjà au départ, s'apercevoir qu'on est tous influencés. Exact. Et déjà, quand on s'en rend conscience, on peut déjà travailler soi-même sur nos propres influences et discerner ce qui provient vraiment de l'esprit ou de l'influence extérieure, ou de l'influence émotionnelle, ou de l'influence de la croyance, ou de l'influence. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une bonne base. Exactement. Donc, ça prend moins de croyants, donc des gens qui vivent de croyances, d'influence, pour qu'il y ait plus de gens qui entrent dans le savoir et qui deviennent des Christs de lumière, qui rayonneront dans leur environnement. Voilà. Donc, sur ces mots, Oui. je te remercie encore une fois, Marielle, d'avoir accepté mon invitation pour une Merci à toi, entrevue. David. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. J'ai apprécié, entre autres, ta sensibilité, que teintaient tes propos. Et je te dis à bientôt. À bientôt, David. Au Bye bye. revoir.